Chapitre 14. Les Anabaptistes. Nous étions alors au mois de mai 1818, une année très chaude et très précoce. Les neiges s'étaient mises à fondre en mars. Il n'en restait plus depuis longtemps. De ma petite fenêtre, à travers les brindilles de lierre, je voyais tout reverdir sur la côte. Les genêts à boutons d'or et les bruyères roses s'étendaient jusque sous les roches où la myrtille, la ronce et le chèvrefeuille grimpaient à foison. Chaque matin, je m'éveillais au chant du coq avant le jour et, poussant ma petite croisée, les coudes sur le toit, j'admirais les grands bois noyés dans l'azur du vallon. J'écoutais les merles, les grives, les chardonnerets, les fauvettes s'égosiller au loin dans les cerisiers en fleurs, dans les grands pommiers blancs, sous la voûte des chênes et le branchage sombre des sapins. Ils bâtissaient leur nid et se réjouissaient. Jamais je ne m'étais senti plus heureux. Cette bonne fraîcheur du matin, qui précède la journée, me donnait des frissons d'enthousiasme. Malheureusement, mon école se dépeuplait de jour en jour. Mes élèves s'en allaient à la file. L'un gardait les chèvres, l'autre aidait son père à la coupe, l'autre conduisait la bourrique de ses parents en Alsace pour vendre des sabots, étamer des casseroles, réparer des chaudrons. Le hameau des Roches fournissait des chaudronniers et des sabotiers à toute la plaine et à toute la montagne. Moi, je restais là, devant mes bancs vides, avec 5 ou 6 élèves, les fils des notables, qui bâillaient et n'attendaient que le moment de courir au champ. Parmi les derniers élèves qui me restaient se trouvaient Jacques et Philippe Hutin, les fils du vieux garde Jérôme, qui représentait avec monsieur le conseiller municipal Nicolas Ferré l'autorité supérieure aux Roches. Ce vieux garde, homme sec, petit, trapu, le nez mince, recourbé, les moustaches grisonnantes, les yeux noirs et perçants, avait l'air tout à fait décidé. Il était natif de Remiremont dans les Vosges, et chaque fois que j'allais dîner et souper chez lui, il se plaisait à me raconter ses campagnes en Italie, en Suisse, en Hollande et le long du Rhin. Il parlait clairement et sans vanterie, comme il n'arrive pas toujours aux vieux soldats. Quant à l'intérieur de sa maison, la dernière du hameau des Roches, on ne pouvait en voir de plus propre et de mieux tenu dans sa pauvreté. Le linge était toujours blanc, le plancher bien lavé et balayé, la vaisselle bien récurée, les meubles luisants, les petites fenêtres transparentes. La fille aînée du père Jérôme, Mademoiselle Toinette, veillait à tout, la mère étant morte depuis plusieurs années. Cette jeune fille, de 16 à 17 ans au plus, que les gens des Roches appelaient la frisée, conduisait le ménage de son père mieux qu'une femme de 30 ans. Elle avait une jolie figure fraîche et riante, de beaux cheveux blonds et de grands yeux gris clair. C'était un petit être plein de courage, d'intelligence et de vivacité, allant, venant, trottant comme une alouette, dressant la table, faisant la cuisine, veillant sur ses petits frères et sœurs, riant avec eux, les embrassant et les corrigeant au besoin. On reconnaissait en elle le vieux sang français de la montagne, vif et pur comme l'eau de source. Faire beaucoup avec peu de choses, se tirer d'affaire quand on n'a presque rien, apprêter un bon repas avec quelques œufs, quelques herbes, un peu de sel, trouver moyen d'être toujours aussi propre, aussi bien mise avec une jupe de toile et une cornette d'indienne que d'autres avec des robes de soie, et puis s'égayer, répondre à tout vivement, avec esprit et même un peu de malice, voilà ce qu'on ne rencontre pas souvent. Chaque fois que le tour de Jérôme Hutin de m'héberger arrivait, car je mangeais chez les parents de mes élèves à tour de rôle, j'en étais bien content. Le garde me recevait en camisole de laine et gros sabots, ayant toujours soin d'ôter ses souliers et ses guêtres en rentrant de tournée. Le dîner était-il servi? On s'asseyait tout de suite. ou qu'à contraire, on sortait faire un tour au jardin. Le père Jérôme greffait ses arbres. Il avait de meilleurs fruits que ses voisins et en plus grande abondance. Il m'expliquait la manière de les obtenir et s'étendait avec complaisance sur toutes les améliorations qu'il avait faites à la culture des roches, sur les engrais, sur l'irrigation, sur l'échenillage et le chaulage des arbres fruitiers, car, dès ce temps, il mettait de la chaux autour des vieux troncs pour empêcher les insectes de s'y loger et d'y monter. Il murait avec soin leurs plaies pour les empêcher de s'étendre et de gagner le cœur de l'arbre. Toutes ces choses, il les avait vues pratiquer ailleurs durant ses campagnes, tandis que des milliers d'autres n'y faisaient pas attention. Les progrès que j'avais fait faire à ces deux garçons lui donnaient pour moi de la considération et même de l'amitié, de sorte que, voyant partir mes élèves, c'est à lui que je me plaignais. Il m'écoutait gravement et me répondit un jour : Vous avez raison, monsieur Renaud, la plus grande misère de ce pays, c'est de retirer les enfants de l'école pour les envoyer garder les chèvres, grimper aux arbres, dénicher les oiseaux et commettre toutes sortes de délits qui les habituent à ne plus respecter l'autorité. C'est comme cela qu'on devient mendiant, vagabond, braconnier propre à rien. Mais que voulez-vous ? Cela dure depuis des années et des années, à moins de forcer les parents par des amendes de laisser leurs enfants à l'école, été comme hiver, jusqu'à 12 ou 13 ans. Cela continuera toujours. C'est l'affaire des préfets, des supérieurs et du roi qui ne s'en inquiètent guère. Moi, je tiens à ce que mes garçons s'instruisent. Ils iront chez vous le plus longtemps possible. J'ai trop vu combien l'ignorance est terrible pour ne pas vouloir qu'ils sachent lire, écrire et calculer. Si j'avais eu plus d'instruction, au lieu d'être simple garde, je serais commandant et peut-être colonel, car le courage et le bon sens ne m'ont jamais manqué. Maintenant encore, je suis embarrassé de bien écrire un simple procès-verbal, et voilà pourquoi je resterai simple garde forestier toute ma vie, malgré mon expérience pour l'estimation des bois et ma connaissance des forêts. Quel malheur ! Le brave homme comprenait fort bien que ces deux garçons, avec 4 ou 5 autres, ne suffisaient pas pour me faire vivre 6 mois de l'année, et finit par me dire, en se promenant de long en large, suivant son habitude, qu'à 5 quarts de lieue environ, au-dessous des roches, en descendant vers la Sarre rouge, se trouvaient 3 grosses fermes d'anabaptistes, que ces gens avaient beaucoup d'enfants, auxquels le plus vieux d'entre eux, le grand-père, apprenait la Bible et les évangiles, en les prêchant tous les dimanches, qu'il avait vu cela plusieurs fois, que ces anabaptistes avaient une grande estime pour le savoir, et que le vieux, qui s'appelait Jacob, se désolait souvent de ne pouvoir enseigner à ses enfants et petits-enfants le toisé, la rédaction des actes sous saint privé, la tenue des livres, le calcul et beaucoup d'autres choses dont il n'est pas dit un seul mot dans les livres saints et qui sont pourtant très nécessaires à connaître pour bien conduire une ferme. « Si vous voulez, me dit-il, j'irai le voir, ou même nous irons ensemble, et je suis sûr que cet homme de bon sens sera content de vous confier l'instruction de cette jeunesse pour ce qui regarde les chiffres, l'écriture et l'arpentage. » Ce sont des gens à leur aise et qui vous payeront bien. Qu'en pensez-vous ? J'étais très heureux de savoir cela, très désireux aussi d'en profiter. Et tout de suite, il fut convenu que nous irions voir les anabaptistes le lendemain jeudi pour nous entendre avec eux. Le lendemain donc, de grand matin, le vieux garde et moi nous étions en route à travers les sapinières pour descendre à la ferme du père Jacob. Tout le pays était couvert de vapeurs blanches, au milieu desquels montaient en forme d'épi les cimes innombrables des sapins. On ne se voyait pas à 4 pas. Les chiens de Jérôme Hutin, eux-mêmes, suivaient derrière nous le sentier à cause de la rosée qui remplissait les broussailles. Quelques minutes avant 5 heures, lorsque le soleil sortit de cette mer et que toutes les feuilles, toutes les herbes se mirent à briller, je ne pus retenir un cri de joie. Nous avions fait halte une seconde. Le garde, en allumant sa pipe, riait tout bas, à la manière des vieux chasseurs, et disait Voilà, monsieur Jean-Baptiste, une promenade que les jeunes gens devraient faire tous les jours dans la belle saison. Mais la paresse les retient au lit, ils se privent ainsi d'un grand plaisir. Regardez ce beau soleil comme il écarte les brouillards. On dirait qu'il nage de notre côté. Voyez comme il s'avance, comme il s'étend. Et là-bas, tout là-bas, du côté de la Sarre, ces grandes raies blanches, c'est la rosée qui tombe. Dans une demi-heure, le soleil aura tout essuyé. La plaine sera propre comme une belle chambre où rien ne traîne. On verra tout clairement, les villages, les bouquets d'arbres, les rivières, les routes, les sentiers, à 4-5 lieues. Ah oui, monsieur Jean-Baptiste, on a bien tort de se retourner dans les draps au lieu de se secouer hardiment et de sortir. Si vous voulez, je viendrai vous éveiller les jeudis. Nous irons à la pêche, à la pipée. J'acceptai de bon cœur, étant émerveillé de ce spectacle. Alors nous reprîmes notre chemin, et bientôt après, le chant du coq m'avertit que nous n'étions plus loin des trois fermes. Une éclaircie se faisait dans le feuillage, la lisière approchait, et tout à coup, au milieu d'une large prairie en pente, dans le coude d'un ruisseau qui descendait en bondissant vers la Sarre, nous vîmes la plus grande des fermes, celle du père Jacob, avec son large hangar, où pendaient les bottes de paille entre les poutres, au-dessous, l'étable, les écuries, la grande porte de grange, à gauche, où se trouvait clouée une buse, puis le corps du logement. Trois fenêtres en bas, l'escalier et la porte, quatre fenêtres en haut, la fontaine et ses auges au milieu de la cour, entourées d'un mur, les grands fumiers carrés, bien alignés. Enfin, une bonne vieille ferme d'un abatiste, sans magnificences inutiles, mais où la simplicité, la propreté, le bon ordre faisaient penser qu'on devait y bien vivre et que les gens ne s'y trouvaient pas malheureux. Comme nous sortions du bois, un grand chien de berger à longs poils noirs se mettait à pousser quelques aboiements et tout aussitôt la porte du logement s'ouvrait et le vieux Jacob lui-même, en chapeau de paille, casaque de drap gris et pantalon de même étoffe, sa large barbe blanche étalée sur la poitrine, sortait, nous regardant approcher. Le garde ouvrit une porte en latte et traversa la cour, levant sa casquette, pendant que le vieil anabaptiste lui criait bonjour d'un air de bonne humeur. Moi, j'étais sur les talons du père Jérôme, qui dit à ce vieillard de 80 ans, « Je vous amène un homme que vous connaissez déjà, père Jacob. C'est le maître d'école des Roches. Je lui ai parlé de ce que vous m'avez dit autrefois, que vous ne seriez pas fâché de faire instruire vos petits-enfants dans l'arpentage et les autres calculs. » Le vieux me regardait de ses yeux gris jusqu'au fond de l'âme, les lèvres fermées et ses vieilles joues plissées. Et puis il dit en ouvrant la porte, « Entrez, messieurs, entrez. C'est bien une chose qui m'intéresse. Je ne suis pas fâché de connaître ce jeune homme. » Il ne promettait rien, ne répondait ni oui ni non. C'était un homme prudent. Nous entrâmes donc, et je vis alors pour la première fois une grande salle de ferme anabaptiste, avec ses deux lignes de bancs, sa longue table bien récurée, ses rangées de pots sur des rayons près du poêle pour faire cailler le lait, et sa vieille horloge dans un coin. Le chien était entré. Le père Jacob lui rouvrit la porte et le fit sortir pendant que nous prenions place. En ce moment, dehors, nous entendions s'ouvrir d'autres portes, celles des écuries. Les troupeaux s'échappaient dans la cour, sautant, galopant, courant à l'auge, et les cris des garçons pour conduire ce bétail retentissaient. Le grand-père, se penchant à l'une des fenêtres, appela une femme. Ensuite, il vint s'asseoir en face de nous sur le banc et dit en souriant, « Vous êtes parti de bon matin. Voici seulement que nos bêtes vont à la pâture. » La femme était entrée, une petite mère toute ridée, en casaquin de laine, petite jupe et bonnet noir, la bouche plissée et les joues rouillées comme des feuilles de vigne sur la fin de l'automne. « Tiens, Salomé, lui dit le vieillard, voici le maître d'école des Roches. Le père Jérôme nous l'amène. Il parle de faire instruire les petits-enfants dans le calcul. Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut t'envoyer chercher Christel et David, dit cette vieille grand-mère. Vous arrangerez tout ensemble. Et tout de suite étant sortie, elle envoya deux jeunes garçons chercher leurs oncles aux fermes voisines. Bientôt ceux-ci vinrent gravement, tous habillés de la même manière, l'air calme et la barbe pleine jusque derrière les oreilles. Le grand-père leur dit en deux mots qui j'étais et ce que je venais leur proposer. Et sur la figure de ces braves gens, je reconnus aussitôt qu'ils consentaient avec plaisir. « Voyez-vous, me dit le grand-père Jacob en riant, mes deux aînés, partis depuis 18 ans pour l'Amérique, ne finissent pas d'écrire à leurs frères et à leurs beaux-frères d'envoyer les petits là-bas, que les terres de première qualité se vendent pour rien, qu'ils en ont des milliers d'arpents près de la rivière Wabak, dans l'état de l'Illinois, des bois, des prairies et des champs, où le froment, l'herbe et les pommes de terre viennent en abondance. Mais que les bras leur manquent et que nous ne pouvons rien faire de mieux que d'envoyer tous nos enfants les rejoindre. Seulement, ils nous recommandent bien de leur donner de l'instruction, car en Amérique, l'homme ne vaut que par ce qu'il sait. Nous ne demandons pas mieux, n'est-ce pas, Christel et David ? Oui, dirent les deux fils, mais il faut s'entendre sur le prix. Alors le père Jérôme reprit la parole et se mit à discuter cet article, disant que je ne pourrais pas venir dîner et souper aux trois fermes à cause de la distance et que par suite la nourriture restant à ma charge devait m'être comptée outre le prix de l'école. Ces anabaptistes écoutaient et discutaient tout d'un air sérieux. Ils reconnaissaient les raisons justes et secouaient la tête lentement lorsque le vieux garde en donnait de moins bonnes. Finalement, nous tombâmes d'accord que je recevrais 40 sous par mois pour chaque élève qu'ils m'enverraient et que je leur enseignerais non seulement l'arpentage et le calcul, mais encore la tenue des livres et le mesurage des bois. Le père Jacob avait fini par s'égayer en causant. Il me posait sa vieille main ridée sur l'épaule et disait « Je vous connais depuis longtemps, monsieur Renaud. J'ai entendu parler de vous par les gens des Roches. Vous êtes un bon maître d'école. » Celui de notre religion qui vient passer ici tous ces hivers ne comprend rien au-delà de ces 4 règles. Vous êtes un autre homme. » À la fin, se levant et tirant le cruchon de kirsch de l'armoire, le vieil anabaptiste emplit les gobelets. Et tout étant arrêté de la sorte, après avoir trinqué et s'être serré la main, le père Jérôme et moi, nous repartîmes ensemble pour les Roches. En chemin, il fut entendu que tous les jours où je devrais dîner aux trois fermes, j'irais prendre mes repas chez le vieux garde, moyennant 15 sous par jour. De cette manière, je calculais qu'il me resterait encore du bénéfice, ayant 9 élèves à 40 sous. Je n'avais jamais été dans une position meilleure. Cette idée me réjouissait et m'attendrissait. Dès le lendemain, les enfants des anabaptistes arrivèrent avec les provisions de la journée dans leurs petits sacs de toile. Ils suivaient ma classe du matin au soir et puis dînaient tranquillement à la salle d'école. Ils faisaient ensuite un tour aux environs et rentraient à 1 heure pour la classe du soir. J'avais conservé 12 autres élèves du hameau, les fils des notables et ceux du père Jérôme. En calculant tout, il devait me rester près de 15 francs à la fin de chaque mois, de quoi m'acheter des livres, remplacer mes vieux habits et envoyer quelques sous à mon père. Que me fallait-il de plus ? C'est le temps qui me revient toujours avec plaisir, le temps du travail, des promenades au bois, des longues causeries le soir avec le vieux garde et des beaux projets d'avenir. Mon Dieu, que cela passe vite ! Chaque matin vers 8 heures, mes élèves étant réunis, on déposait les sacs. On prenait la chaîne en fil de fer que m'avait faite le père Jérôme, les piquets et le triangle, et puis en route au grand soleil. On allait arpenter, mesurer le champ de pierre, de Jacques ou de Christophe. Je vois encore au mois de juin cette longue côte raide couverte de seigles à perte de vue. Plus bas dans la gorge, les faucheurs, les reins serrés dans leur ceinture de cuir, la pierre dans sa cuvette de bois au bas du dos, les bras de chemise retroussés, les larges chapeaux de paille tombant sur les épaules et déjà tout baignés de sueur avant la grande chaleur du jour. Et plus haut, dans les roches, les vieilles et quelques enfants avec leurs chèvres, qui grimpent jusque dans le ciel et se retournent en poussant des « ouh, ouh » qui descendent d'écho en écho. Oui, c'était un bon et joyeux spectacle. On nous appelait les savants, le cadastre. On nous tirait le chapeau de près et l'on sifflait. On avait l'air de se moquer des savants de loin, mais ces choses nous étaient bien égales. Mes petits anabaptistes et mes autres élèves ne tournaient pas seulement la tête. Ils allaient gravement, tirant la chaîne, enfonçant les piquets de proche en proche, et puis, à chaque angle, s'arrêtant pour écouter mes explications. Quand la figure d'un champ, d'un pré, d'un bouquet d'arbres devenait trop compliquée, nous la décomposions aussitôt. Le fils du grand Christ marquait sur son cahier toutes les mesures en bon ordre, chacune à part, pour ne pas faire de confusion. Quelquefois, sur les 10 heures, à force d'avoir traîné la chaîne, la sueur nous coulait le long des joues. On s'arrêtait alors au revers d'un sentier, dans l'ombre touffue de quelques gros buissons, ayant bien soin de ne pas s'asseoir sur une fourmilière. Et là, les calculs commençaient. Chacun, sur son cahier, faisait ses multiplications, qu'on rapprochait pour en connaître la justesse. Aussitôt, des faucheurs et des faneuses arrivaient se pencher derrière nous. Ils écoutaient ce qui se disait, ouvrant de grands yeux, et finalement nous demandaient « Hé, monsieur Jean-Baptiste, est-ce que vous viendrez aussi bientôt mesurer notre champ ? Ou bien, combien est-ce que notre pré tient donc au juste ? Tant d'ars, tant de centiares. Ah, ça fait combien de jours ? Tant, vous en êtes bien sûr ? Mais oui, c'est tout à fait juste. Ah bon ? Je suis content de le savoir. » Quelquefois, ces gens réclamaient, criant qu'on avait changé les bornes, et si par hasard le voisin se trouvait là, les disputes commençaient. Ainsi, je continuais l'application de ma méthode, la pratique, toujours la pratique. Il faut voir soi-même, observer son terrain, toucher, mesurer et puis calculer. Alors seulement on peut dire « je sais mon affaire ». Tout ce qu'on a vu dans les livres passe vite. Ce qu'on a fait soi-même par l'observation et le raisonnement ne s'oublie jamais. Ces premières études nous prirent 2 mois. Sur la fin de juillet, mes élèves, grâce aux explications du tableau que je leur donnais dans l'après-midi, connaissaient la manière exacte de mesurer et calculer toutes les surfaces planes. Rien ne les embarrassait plus dans l'arpentage. Il s'agissait de passer au cubage des corps solides, et cela fut plus difficile. Les figures du tableau ne suffisaient plus. Les enfants ne se rendaient pas compte de toutes les formes que représentait un simple tracé. L'idée me vint de parler au vieux cuvelier Sylvestre, qui tout de suite comprit ce que je lui demandais. Il me fit des cubes, des prismes, des cônes en bois, capables de se monter, de se démonter comme on voulait. Tout devint clair, sensible pour les élèves. Nous raisonnions des choses, les pièces en main, et nous faisions ensuite nos calculs. Ce système de fabriquer des figures géométriques en bois s'est depuis répandu partout. Des centaines d'ouvriers de la Forêt-Noire ne font plus que cela. Quelques-uns ont poussé la chose jusqu'à fabriquer des figures en cristal, afin d'en voir du premier coup d'œil les arêtes et les angles opposés. Ils sont devenus riches, mais en ce temps, personne n'y pensait. Ainsi marchent les choses en ce monde. Les bonnes idées viennent aux uns et l'argent entre dans la poche des autres. Cela ne m'empêche pas de regarder ce temps comme le plus beau de mon existence, sans parler de la confiance que mettait en moi le hameau des Roches, ni du bonheur d'être reçu chez le vieux garde Jérôme, comme un enfant de la maison, de vivre en famille, aimé de tous. Je dois te dire que le spectacle de la vie des champs me remplissait d'attendrissement. Sans doute, ces grandes prairies au fond des vallées, où les faucheurs s'avançaient lentement en balançant leurs faux luisantes en demi-cercle, ces arbres innombrables de la côte, où les gens cueillaient leurs petites cerises noires pour faire du kirsch, ces chariots couverts de gerbes, leurs petits bœufs roux devant, la tête dans les épaules, et des 5-6 travailleurs poussant aux roues en criant « Courage, ça marche, encore un coup d'épaule et nous arriverons !» Cette belle Sarre que je découvris avec ses longues flottes blanches et ses flotteurs devant, le grand croc à la main et l'anse de l'arrière au tournant des gorges. Sans doute, tout cela n'était pas mon bien, mais j'avais pourtant du plaisir à le voir. Et puis, j'avais mes jeudis pour aller courir au bois. Et mon Dieu, pourquoi ne pas te l'avouer? Pour aller pêcher à la ligne dans la Sarre, à l'ombre des sapins, au milieu des troncs d'arbres et des carrés de planches entassés autour des vieilles scieries, ou dans les petits courants forestiers, tout blancs d'écume. Ah, voilà mes beaux moments, ces jours-là de grand matin, quand toute la forêt dort encore, en répandant mille odeurs de mûres, de myrtilles, de lierre, de mousse, de résine, quand l'eau bourdonne tout doucement au milieu du silence, et qu'on entend distinctement une brindille tomber d'un arbre. Entre 2 et 3 heures, tu m'aurais déjà vu, en petite blouse et chapeau de paille, debout sur une roche au bord de la rivière, laissant flotter ma ligne dans les tourbillons de ces belles eaux claires, où tremblotait la lune comme au fond d'un miroir. Tu m'aurais vu là, plus attentif qu'un martin pêcheur, et tu n'aurais jamais pensé que c'était Monsieur Renaud, le maître d'école des roches, bien content d'avoir retiré ses manchettes, mis de côté son canif et serré ses plumes dans le pupitre. Tu aurais dit « c'est un montagnard, un pêcheur de profession » et tu n'aurais pas eu tout à fait tort, car je m'y connaissais. Le père Jérôme m'avait montré les bons endroits et j'avais de la patience. Ah, quel bonheur quand au bout de 15 à 20 minutes, en allongeant et retirant lentement l'amorce sur l'eau bouillonnante, tout à coup une secousse m'avertissait que le poisson avait mordu, et qu'ensuite le bouchon descendait comme une flèche. C'était un gros. Je le laissais bien filer, et puis, relevant la gaule à la force du poignet, une truite filait dans les airs et se mettait à sauter au milieu des ronces et des herbes pleines de rosée. Oui, ces choses, il faut les compter aussi dans sa vie. On n'a pas toujours été paisible et les lunettes sur le nez. On a senti son cœur sauter de joie. On a couru comme un fou décrocher le poisson, les mains tremblantes d'enthousiasme. Pour la pêche, la véritable pêche, il n'y a que la montagne. C'est là qu'on est tranquille et vraiment heureux, au milieu de la fraîcheur et du silence des bois. C'est là que personne ne vient vous déranger. Et quand on change de place, quand on remonte plus haut, son petit panier déjà garni, pensant que la journée sera bonne, en marchant dans ces grandes ombres et regardant les arbres innombrables échelonnés sur les pentes raides jusqu'à la cime des airs, les petits sentiers remplis de grosses racines, en écoutant le merle noir et la grive qui s'éveille, et quelques instants après, tous les oiseaux des bois qui chantent ensemble comme dans une immense volière. Il faut reconnaître, pour être juste, qu'après le travail de la semaine, on ne trouve nulle part au monde un repos plus agréable et dont on se souvienne plus longtemps.